Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show, 116e émission, et c'est la 116e, et on est le 16 novembre. Ouais. Bonsoir à toi mon cher Tom. Salut. Bienvenue bonsoir. Dans le Rock for Show. Merci, merci de m'accueillir, c'est gentil. Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy. Moi j'allais Halloween. Dire bonsoir au backstage, mais non, c'est pas ça, le backstage. Bonsoir. Oui, la semaine dernière. Ah ouais, mais non. Attends, il y a eu plein de trucs. Plein bonsoir, de bonheur, hein. Bonsoir, le Rockfort Show. Ah, c'est plutôt ça. Bonsoir à tous, comme on vous l'a dit, ce soir, l'émission du 16 novembre. Et c'est le Beaujolais nouveau ce soir. Hein. Le Beaujolais. Le Beaujolais. Et pour fêter ça, eh ben, nous recevons un groupe français. Et le groupe s'appelle No Return. Ils seront là en chair et en... pas os, mais juste à travers le fil du téléphone. Monsieur Alain, guitariste du groupe et compositeur, sera dans les studios pour nous, mais à travers le téléphone. Voilà mon cher Tom. C'est chouette. Allez, on dit bonsoir aussi à Eric Flynn et puis à John Asher. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de John, puisqu'on n'avait pas eu l'occasion de passer des groupes canadiens. Eh bien, c'est fait, puisque ce que vous entendez en groupe, en fond sonore, Nordheim, tiré de leur EP, leur troisième album qui s'appelle Raptor. Et c'est rap plus loin Thor. Mais alors c'est avec un H. J'ai oublié le H là-dessus, là, sur ce que j'ai marqué. Ouais. C'est rap plus loin Thor. Mais c'est excellent. C'est un CD de 8 titres qui sortira le 24 novembre prochain. C'est une autoproduction. Ils nous viennent de Québec City et ils nous font du black folklorique. Le groupe s'est formé en 2006. C'est en 2006. Et c'est pour les fans de Mounsoro, Fintroll, Equilibrium, voilà, tout Calma également. Antiferum. Oui, Antiferum. À tes souhaits. Ouais, Antiferum. Non, mais que des groupes un peu comme ça, pagan, un peu virevoltant, comme ceux que vous entendez. On vous le repassera la semaine prochaine. Hein. Là, c'est parce qu'on n'avait plus de place quand j'ai reçu l'album. J'ai un peu craqué dessus. J'ai dit, bon, bah voilà, on va le passer en fond sonore. Il nous restait un fond sonore à caler. Bah voilà, c'est ça. Par contre, en ouverture d'émission, vous avez écouté les Suisses. C'était lent. C'était lent par rapport à Nordheim. C'était chakra. Tu as des chakras. C'était pour que vous ouvriez tous vos chakras. Et je pense que ça a été fait hier soir au concert de Halloween parce que c'était vraiment. Pour ceux qui étaient. On était, moi et Phil notamment. Non, on dit Phil et moi. Ouais, Phil et moi. Tu veux que je te file et moi. Bah dis donc, cochon. Il n'y avait pas que nous. Il y avait plein de monde. Si vous avez suivi sur la page Facebook, de Phil et moi, il y avait toutes les photos. Et on salue tout le monde parce que ça fait plaisir. Franchement, c'était cool. Ouais, ouais. Et puis l'after était sympa aussi. On a fait un bel after jusqu'à pas d'heure. Et pour ceux qui sont restés. Ce matin, c'était un peu dur. Et on savait qu'il fallait se lever et de toute façon aller boire le Beaujolais nouveau. Et donc, ça nous a aidés. Bon, allez, Chakra. On vous reparle de Halloween tout au long de la soirée, de toute façon, parce que c'est un petit peu notre fil rouge. Puis on vous parlera aussi du concert dont on. All Friends from All Friends from Paris, qui a eu lieu samedi dernier pour les victimes, en hommage aux victimes du Bataclan. Chakra. Ah, le téléphone sonne. Il va falloir aller décrocher. Ne sonne. Ta maman est près de toi. Faut lui dire aux mamans, c'est quelqu'un pour toi, je crois. Chakra. Donc on en revient à Chakra, tiré de leur tout dernier album qui s'appelle Snake and Ladders. Le morceau que je vous ai proposé, ça tombait mal. Hein, ça s'appelle Friday Nightmare. C'est demain le Friday Nightmare. Aujourd'hui, c'était le jeudi. Jeudi Euphorie. Voilà. Ça sort chez AFM le 10. Le 10, bah, c'était la semaine dernière. Et le CD contient 12 titres, ils nous viennent donc de Suisse, comme on vous le disait, de Berne exactement. Ils nous font du métal mélodique et ils se sont formés en 1997. Ouais, voilà. Nous enchaînons maintenant avec plein de nouveautés, puisqu'on vous a parlé de Nordheim que vous entendez en fond sonore, et je vais vous parler des Allemands de Iron Savior, qui étaient un petit peu dans la lignée de Halloween qu'on a vu hier, ainsi que de Gamma Ray, ainsi que tous ces groupes allemands. Ed Guy, j'en passe, et des pires. Donc Iron Savior qui revient avec un album qui s'appelle Reforged Riding on Fire, sorti chez AFM le début du mois, c'était le 8. Le morceau que je vous propose de découvrir s'appelle Riding on Fire. C'est le titre éponyme de l'album, bien entendu. L'album contient 19 titres. Ils nous viennent d'Allemagne, Hambourg exactement. Ils se sont formés en 1996, toujours avec Pete Silk au chant et guitare et composition et autres. C'est un quatuor de Power Melodic. On enchaînera ensuite avec un artiste que j'aime particulièrement, qui a chanté pour Yngwie Malmsteen. Il s'appelle Jeff Scott Soto, JSS pour les intimes, et il nous sort un tout nouvel album. Bon, je n'ai pas trouvé encore très... Voilà, j'ai pas trouvé terrible. Ça s'appelle Retribution. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Breakout, sorti chez Frontiers le 10 également. Beaucoup d'albums sont sortis le 10 du mois de novembre. L'album contient 11 titres. C'est un quatuor de heavy rock. Il s'est formé en 1994 sous le nom de JSS. Il nous vient de New York aux États-Unis, aux States, bien entendu. Nous enchaînerons ensuite avec Stall Starfear. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, puisque c'est un groupe qui nous vient d'Islande, bien entendu, de Reykjavik. Donc Stall Starfear, ils seront en concert cette semaine, on vous en parle un petit peu plus loin. Le morceau que je vous propose de découvrir s'appelle Isafold, tiré de l'album Bergdrimmin. Alors tout ça doit être certainement de l'islandais, sorti chez Season of Mist le 26 mai dernier. Et l'album contient 8 titres et le titre le plus court c'est justement Isafold, sinon ça dure 7, 8, 12, 15, 20 minutes. C'est un trio de métal atmosphérique qui s'est formé en 1994 et le concert aura lieu le 20 à Paris, à l'Alhambra, avec Art Stidir et Mercure, à vos souhaits, bien entendu. Vous pouvez nous appeler ce soir, mon cher Tom. 06 80 01 28 34. Parce qu'on a plein de cadeaux à vous offrir. On a du Bubble Foot, on a du Conscience, on a du Steel Square, on a du Musicwise Festival la semaine prochaine. Ouais. Et du Corrosive Element. Et puis d'autres places de concert tout au long de l'émission. Donc, Kaylogger, c'est le sixième morceau qu'on vous passera ce soir, tiré de l'album Keystone. Le morceau que je vous ai choisi, c'est Technocratie, sorti chez Zeta Factory le 6 octobre dernier. L'album contient 12 titres, ils nous viennent d'Italie, de Modène. Vous savez, là où on fait le... Qu'est-ce qu'on fait à Modène? C'est le vinaigre, hein, c'est ça? Ou l'huile d'olive aussi, peut-être? Non, je ne sais même pas, bon, tant pis. Le vinaigre, Phil. C'est le vinaigre, hein, oui. Le vinaigre balsamique, hein, de Modène. Et donc, c'est un quatuor de néo-metal formé en 2008. Et ils seront en concert le 18 à Paris. Alors, le 18, ça doit être samedi. Ouais, c'est ça, c'est samedi. Ah ouais, c'est ça. Et ce sera au Trabendo avec The Rasmus. Donc voilà, pour Kellogger et pour Sol Staffir, vous nous appelez au 06 81 01 28 34. Et vous nous dites... Bah, vous nous chantez une chanson. Une chanson en rapport... Chut, oh bah, il dit tout. En rapport avec le concert qu'on a vu hier. Voilà. Allez, on y va en musique. On attend vos appels nombreux au 06 81 01 28 34. C'est parti, mon de Dieu. Leaving everything behind. I'll tens of thousand light years ago. Sadness and fear. Seems the end is near. Down the Agnostic Front que vous entendez en fond sonore dans le Rap For Show diffusé par Radio Bills. Yeah. Agnostic Front qui seront en concert au Petit Bain, ce sera dimanche, voilà, ça sera le 19 dimanche avec Bishop's Green qui est un groupe canadien. Bishop's Green, et le téléphone sonne, maman est près de toi, il faut lui dire maman on va ouvrir, c'est quelqu'un pour toi. Voilà, Agnostic Front, ne les ratez pas surtout. Et vous venez d'entendre en début de cette liste, c'était Iron Savior, Jeff Scott Soto, suivi de Sol Staffir. J'espère que vous avez apprécié, c'était vachement bien Sol Staffir. Et on vient de finir avec Kelloger, groupe italien. Oui, monsieur dame, groupe italien. 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler des places pour aller voir ces groupes, Kelloger, Sol Staffir, que j'avais dit Agnostic Front. Mais avant ça, hein, pour gagner ces places là, il va falloir aller liker parce qu'on voudrait que vous soyez un petit peu actif derrière votre interactif, même on va dire derrière votre PC, téléphone, tout ce que vous voulez. Il faudra aller liker sur la page du Rock For Show les deux photos que l'on vient de mettre et nous dire après par SMS au 06 81 01 28 34 combien il y a de personnes sur cette sur ces photos. Combien de personnes y a-t-il sur ces photos? Alors pourquoi on vous demande ça? Parce que peut-être que tout à l'heure vous aurez bu beaucoup de Beaujolais nouveau et que vous vous compterez plus du tout de la même façon. Hein? On sait pas Tom. Qu'est-ce que t'en penses? Avec ton petit micro qui marche. Ça bat Tom. Ça bâtonne. Donc voilà. Eh bien on va continuer avec de la nouveauté avec nos invités. Hein, puisqu'il s'agit de No Return. Alors No Return vient de sortir, enfin va sortir le 17. C'est-à-dire demain, son nouvel album qui s'appelle The Curse Within. Et le titre que je vous propose de découvrir avant de recevoir Alain au téléphone, c'est The Dark Side of the Sun. C'est tiré donc de cet album qui nous vient d'un groupe parisien de thrash death metal formé en 1989. Oui, les No Return, avec un nouveau chanteur, avec pas mal de belles compositions. Et ils viennent de terminer une tournée avec Angelus Apatrida qui s'est terminée au club à Paris. Et c'était vraiment très bien. Donc on retrouve Alain tout de suite après avoir écouté un premier titre ce soir de l'album de No Return qui s'appelle The Curse Within. Musique, mon cher Tom, c'est parti. We'll be right back. De retour dans le Rock for Show, vous êtes toujours à l'écoute de No Return en fond sonore. Nous allons bientôt avoir Alain au téléphone, le temps de régler un petit problème technique. Vous savez, ces petits problèmes des aléas du direct. Mais en attendant, bah, on va voir un coup. Hein. J'ai vu que Maxime a été liké, j'ai vu que vous avez été nombreux à être allés sur la page du Rock for Show. Et donc, que vous avez pu voir les petites photos que l'on a mis. Alors, regardez bien ces photos parce que il va y avoir des questions tout au long de la soirée concernant ces photos pour gagner des places, pour gagner plein de choses. Des places de concert, il y a des t-shirts, il y a des CD, il y a des vinyles. Enfin bref, il y a plein de choses pour vous à gagner ce soir. Alors, nous allons baisser un tout petit peu. No Return, la musique de No Return est tirée de l'album The Curse Within, le tout nouvel album qui sort demain dans toutes les bonnes boucheries. Oui monsieur, oui. Ça sortira chez Mighty Music. Voilà, donc ne les ratez pas, c'est demain. Je sais que vous avez été les voir en concert, hein, parce que on a eu beaucoup d'échos et beaucoup de gens nous ont demandé justement quand est-ce qu'on les recevait dans les studios. Eh bien, c'est ce soir. Alors Alain, je sais pas si tu es en ligne. Alain, là. Si, il est là. Oui, salut, ouais, je suis là, il n'y a pas de souci. Salut Phil. Voilà, bonsoir à toi, mon cher Alain. Tout d'abord, félicitations pour ce nouvel album. On s'en prend plein les étiquettes. On a retrouvé le son, les mélodies, en fait, guitare, qui sont vraiment absolument fantastiques. Moi, j'ai vraiment craqué. Et Merci. Cette puissance au niveau des rythmiques, batterie. Enfin, le son est vraiment très, très bon. Tu vas nous en parler, tu vas nous présenter un petit peu cet album. Comment c'est fait? Comment avez-vous enfanté de ce nouvel album, The Curse Within? Eh bien, écoute, on l'a composé, c'est vrai qu'avec Geoffroy, donc l'autre guitariste, on a passé pas mal de temps sur la compo pour justement bien travailler les parties guitare. Et on a eu pas mal de pré-prod, effectivement, en amont avec les autres gars du groupe également. Et puis après, bah écoute, on a été effectivement enregistré chez Jacob Hansen, donc au Danemark, pour le mettre en boîte, quoi. En sachant qu'on avait enregistré en fait les guitares chez moi et qu'on enregistrait là-bas les batteries, chant et basse, quoi, en priorité, quoi. Et justement, comment avez-vous composé en fait les titres? Comment les idées sont-elles venues? Est-ce que tout a été composé parmi tous les musiciens? Ou est-ce que Mike a apporté vraiment sa touche sur cet album avec ses textes? Ou est-ce que vous avez travaillé les textes à plusieurs? Non, les textes en général, c'est vrai que c'est plutôt Mike qui s'en occupe, hein, on lui fait confiance là-dessus, il est plutôt bon, donc c'est cool. Non, c'est vrai que avec Geoffroy, nous on s'est surtout occupé de la musique, hein. Et puis les arrangements, par contre, on les fait tous en groupe, effectivement, pour finaliser les morceaux, mais tout ce qui est texte, c'est vrai que c'est Mike qui s'en est occupé, quoi. Alors, on a rappelé tout à l'heure que le groupe existait depuis 1989. Ça fait quand même un sacré bail maintenant pour No Return. Donc dans 2 ans, ça va être un bel anniversaire à mon avis qui va commencer à se fêter. Je sais, ouais, vous avez chance, ouais. Ah, et je pense parce que ça va être un contron, donc ça va bien se fêter. Et je sais que là vous êtes parti en tournée avec Angelus Apatrida. Est-ce que, déjà, comment s'est passée la tournée qui est passée par le club à Paris? Ça, on sait que la date a été un véritable succès, parce qu'on a eu beaucoup d'échos. Maintenant, comment s'est passée la tournée avec Angelus Apatrida, qui, je sais, est un groupe qui vous plaît quand même pas mal? Bah oui, parce qu'en fait, on avait tourné, effectivement, il y a 2 ans, on avait fait une tournée européenne avec eux, donc pour l'album précédent, Fearless, et... Du coup, pour ce nouvel album, on avait effectivement envie de tourner avec déjà forcément un groupe qu'on aime bien, et donc on leur a proposé, puis ils étaient partants pour cette dizaine de dates ensemble, qui nous permettait effectivement, nous, de proposer les nouveaux titres de The Curse Within. Donc la tournée s'est très bien passée, hein, super accueil un petit peu partout, et c'est vrai que c'était vraiment un réel plaisir, hein, puisque ce sont... des gens adorables, en plus ils font une musique qu'on adore, donc du thrash metal qui déboîte. Donc non, c'était vraiment un super parcours là sur ces 10 dates, et on s'est vraiment éclaté, quoi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que les groupes français quand même arrivent à s'expatrier, hein, à aller jouer aussi avec, à tutoyer, on va dire, l'élite étrangère. Et ça, c'est vraiment quand même en dehors de Gojira, puisqu'on parle beaucoup, beaucoup de Gojira et d'Agoba. Ben, moi, je suis fier quand même de voir que des groupes comme No Return, qui sont des vieux briscards, on peut le dire, hein, ouais. Ben, aujourd'hui tiennent le haut du pavé avec des groupes de cet acabit. Tout à l'heure, on a écouté un premier titre de l'album qui s'appelait The Dark Side of the Sun. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre en particulier ? Alors, de ce titre en particulier, plutôt en fait, c'est de l'ensemble des titres, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une thématique, si tu veux, qui revient sur l'ensemble de The Curse Cuisine, même si c'est pas un concept album. Mais c'est vrai que c'est un ensemble de textes qui a trait au côté plutôt sombre et effectivement, on va dire noir de l'homme en général, puisque la thématique principale, si tu veux, c'est de dire que fondamentalement, on a tous quelque chose, je pense, qui est plus ou moins caché et qui est mauvais en nous, si tu veux, et qui ressort effectivement de manière plus ou moins intense suivant les individus. Et effectivement, la plupart des textes parlent de cette thématique, avec des exemples plus ou moins divers et variés, qui peuvent avoir très bien sûr au côté aussi bien de la religion que d'un côté effectivement extrême au niveau psychologique. Hein. Et il est clair que on s'est fait plaisir, si tu veux, d'associer sur les textes de Mac cette musique à la fois agressive et mélodique, qui justement permet d'avoir un bon panel d'émotions à la fois sonore, hein, et puis visuel quand tu regardes les textes. Donc c'est vrai qu'on s'est bien éclaté quoi sur cette thématique quoi. Pour un groupe comme No Return, aller enregistrer à l'étranger, au Danemark, ça engendre forcément des frais. Comment on se retrouve aujourd'hui, quand on connaît le marasme un petit peu des ventes d'albums et des maisons de disques aujourd'hui qui ont vraiment du mal à tenir le haut du pavé, comment on arrive à autofinancer un groupe comme No Return et surtout à en sortir sans trop de casse? Mais écoute, en fait, après chaque groupe a sa propre façon de fonctionner. Nous, je sais que tout l'argent qui rentre dans le groupe, on le réinvestit pour le groupe. C'est-à-dire que quand on a effectivement des cachets de concert, on réinvestit tout après pour les futures productions, pour le merchandising, pour les tournées. Donc c'est notre façon de fonctionner, si tu veux. Et donc voilà comment on arrive à effectivement à toujours avoir un roulement pour pouvoir aller enregistrer effectivement à l'étranger. C'est vrai que ça coûte cher, hein, c'est un budget non négligeable. Donc voilà, donc comment on fonctionne, hein, c'est vrai que c'est pas évident, mais on ne se paye pas, de toute façon on gagne pas notre vie avec No Return, hein, je pense que les gens ont bien compris. Mais ce que l'on peut gagner avec No Return, on le réinvestit pour le groupe, dans les productions, dans le merchandising, dans effectivement la façon de fonctionner de manière générale. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, quoi, puisqu'on arrive à faire quand même pas mal de choses. Hein, mais c'est vrai que c'est très dur, comme tu l'as dit, financièrement, puisque on le sait depuis pas mal d'années maintenant, hein, les ventes de CD sont en chute libre et à mon avis, ça va pas cesser. Ouais, en tout cas, nous on vous dit soutenez la scène française, soutenez vos groupes qui sont quand même ça peut rivaliser et ils rivalisent de toute façon musicalement. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique que les groupes français ne sont pas la cinquième roue du carrosse et qu'il faut compter avec eux. On a pu les voir sur des grandes scènes comme le Download ou comme le Hellfest, même si aujourd'hui je m'insurge un petit peu encore sur la place qu'ont nos groupes français à jouer en bas de tableau. Et il faudrait peut-être maintenant penser aussi à les faire monter un petit peu plus haut et à tutoyer la tête d'affiche. Ce serait vraiment, vraiment super. Là, je te rejoins complètement, parce que c'est vrai que autant par exemple les festivals en Allemagne privilégient leurs groupes qu'en France, c'est pas vraiment ça, quoi. Les gros festivals, effectivement, ne traite pas comme il faudrait les groupes français, qui sont effectivement, comme tu l'as dit, de qualité depuis plusieurs années maintenant, tout style confondu, hein. Qu'on passe dans du rock classique au death metal, on a un panel de groupes français qui peut rivaliser avec n'importe quel groupe européen ou américain, hein. Pour vous prouver comme quoi il faut compter avec No Return, on va passer un deuxième titre ce soir de l'album The Curse Within. On vous le rappelle, ça sort demain chez Mighty Music. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir avec Alain, c'est Serpent's Curse. Tu peux nous dire deux mots là sur le titre ? Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment la thématique principale, insidieuse, hein, le serpent qui effectivement... modélise tout à fait ce côté un petit peu fourbe, sournois de ce qui peut exister dans l'homme et qui se révèle d'ailleurs hein, de par la pochette, hein, où effectivement on voit dans le miroir ce serpent émerger. C'est ce côté malsain que l'on possède en nous, et le texte donc justement parle de ça en particulier. Et c'est justement un contraste, il y a beaucoup de mélodies dans ce morceau et le contraste entre les textes et les mélodies, je trouve, est vraiment bien amené justement dans ce morceau, quoi. Eh bien, on part tout de suite retrouver le serpent et on se retrouve tout de suite après avec toi, Alain, pour la deuxième partie de l'interview. Musique, monsieur Tom. We'll be right back. De retour dans le Rock for Show, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Biz et nous sommes en direct avec Alain de No Return, guitariste, compositeur, créateur du groupe également, hein, on peut le dire. On va pas vous donner l'année où a été créé le groupe, on vous l'a donné tout à l'heure, parce que ça va faire l'objet d'une question pour rafler un album, The Curse Within, qui sortira que demain. Bon, alors si vous le raflez ce soir, vous ne l'aurez pas demain, bien évidemment, mais vous pourrez patienter en réécoutant cette émission et en allant voir No Return sur les prochaines dates. Alain, tout à l'heure on a commencé à parler un petit peu de la pochette. Oui. Qui a dessiné cette fois-ci, qui a eu l'idée et qui a conçu cette nouvelle pochette? Eh bien écoute, c'est Pierre-Alain qui bosse vraiment super bien et qu'on avait effectivement trouvé sur le net avec ses précédents travaux. Et c'est vrai qu'on a vraiment flashé sur son travail. Et donc on lui avait suggéré une idée, si tu veux, concernant la thématique de l'album. Et il l'a vraiment superbement mis en image. Hein. On est vraiment très très content de la pochette. Et c'est vrai que beaucoup de monde aussi la trouve super belle. Donc c'est vraiment un super artiste. Et vraiment, on encourage les gens à aller voir ses travaux parce que c'est vraiment super ce qu'il fait. Hein. Bon, en tout cas, nous, on a un petit peu craqué aussi, même si on n'a pas encore eu l'objet définitif. Mais je pense que l'objet définitif, qui est la version collector en digipack, doit bien mettre en valeur tout le travail. Ouais. Et justement, ouais. Parle-nous un petit peu, que va-t-on retrouver de différent par rapport au CD classique, par rapport donc la version collector digipack et la version CD cristal? Bah, en fait, c'est surtout le digipack, bon, c'est surtout comme chacun le sait, le cartonnage, si tu veux, qui rend l'objet un petit peu plus, spécieux. Mais ce que je voulais signaler surtout, c'est qu'il y a un vinyle aussi qui va être fait par le label, mm-hmm. où là, la pochette va être encore, effectivement, magnifiée, entre guillemets, puisque là, on n'aura pas qu'un carré de 12 sur 12, hein, comme un CD classique, mais on aura effectivement une belle pochette en vinyle. Donc là, les détails de la pochette vont ressortir encore plus. Hein, donc là, le vinyle aussi sera, je pense, un collector. Hein. De plus en plus, maintenant, les groupes sortent des vinyles. Est-ce que vous avez constaté que c'était un produit qui redémarre aujourd'hui et Ah ouais, qui... complètement, ouais. Ouais, mmh. ouais. Et il y a vraiment des collectionneurs en fait de vinyle parmi les membres, enfin parmi les fans de No Return. Ah, tout à fait, parce que c'est vrai que donc on a fait quelques précommandes là justement et les gens nous ont tous dit effectivement que c'était une très bonne idée parce que il y a quand même parmi les amateurs de métal d'énormes collectionneurs de vinyle et donc du coup. C'est vrai qu'ils étaient très contents que le nouveau No Return, justement, ressorte en vinyle, parce que les deux premiers étaient sortis en vinyle, mais depuis, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'opportunité de les sortir, quoi. En tout cas, un grand merci pour ressortir en vinyle à tous les groupes qui le font, parce qu'avec nos âges qui grandissent, notre vue qui baisse, et puis Tom, la quéquette qui rétrécit, eh bien, ça fait du bien quand même de pouvoir lire les textes en gros maintenant, parce qu'il y a un moment donné, je ne savais même plus qui était producteur, qui avait composé, qui... Voilà, maintenant, on va pouvoir enfin redécouvrir tout ça, parce que c'est toujours marqué au dos des pochettes, et puis surtout les photos, et c'est vrai que ça rend service aussi aux artistes qui façonne les covers des groupes. On sait que l'album n'était pas sorti pour le début de la tournée parce qu'il y a eu un petit décalage au niveau de sa sortie. Oui. Et les dates ont été déjà fixées. Donc il va y avoir une deuxième partie de la tournée pour la sortie de cet album The Curse Within. Est-ce que vous avez déjà des pistes et est-ce que vous avez déjà des dates pour la France ? Alors pour la France, ça sera plus en fait au printemps 2018. Mais c'est vrai qu'on va commencer à partir du 9 février par l'Europe avec une tournée donc avec Cannibal Corpse et The Black Dahlia Murder. Et on va faire effectivement une tournée européenne donc en février avec donc Cannibal et The Black Dahlia Murder. Et après pour la France, on aura des dates effectivement qui vont tomber en avril, en mai. Donc on n'a pas encore tout finalisé, mais on les mettra dès que possible, bien sûr, sur le Facebook du groupe. Hein. Mais bien sûr, là, il est prévu de tourner un maximum pour promouvoir ce nouvel album. Hein. On a commencé effectivement à faire une dizaine de dates pour amorcer ça, mais ça va bien sûr continuer de plus belle en 2018. Quoi. Combien de titres avez-vous joué sur les dates, les premières dates de la tournée du nouvel album? On a fait 4 nouveaux titres. Hein. Mmh. Donc... On avait bossé 4 nouveaux titres, hein, donc bah, ça dépendait des soirs, des fois on en jouait 2, 3 ou 4, mais bon, voilà, on en a prévu déjà un 4, de manière à avoir déjà un bon panel, parce que c'est vrai qu'après c'est pas évident non plus de faire une setlist avec le nombre d'albums qu'on a, donc du coup, on essaye bien sûr de privilégier le petit dernier, mais il y a d'autres titres aussi que les gens ont envie d'entendre, quoi. Mm-hmm. C'est jamais évident de faire une setlist... En tout cas, bon, on va vous souhaiter une bonne promotion pour cet album, The Curse Within, puisque la promo en fait commence là maintenant, hein, puisque l'album va sortir que demain. Et donc on enjoint tout le monde. Bah, y a des cadeaux de Noël à faire. Hein, donc voilà, il y a du vinyle, il y a du CD collector et il y a du CD Crystal qui va bientôt arriver dans tous les grands magasins. Et vous allez pouvoir offrir le dernier No Return, The Curse Within, sous le sapin aux gens que vous aimez et qui aiment ce genre de musique. Mon cher Alain, on va, bah, puisque c'est la fin de l'interview, eh bien je te propose de clôturer sur le morceau qui s'appelle My Last Words. Tu peux nous en parler ? Eh bien écoute, justement, ça tombe très bien comme titre, hein, My Last Words. Donc c'est effectivement la thématique qui se finit par rapport à comment le thème général et qui parle donc entre autres de tout ce qu'on peut ressentir comme vécu ou non par rapport à tout toute cette haine peu importe le contexte, hein, je répète, qu'il soit religieux ou politique. Et donc ce texte parle de ça entre autres. Et pareil, donc c'est un bon compromis entre mélodie et agressivité, quoi. Merci beaucoup, Alain. Alors, c'est le moment pour vous, chers auditeurs, de vous rapprocher de votre téléphone et de composer le 06 81 01 28 34. Exactement, mon cher Tom. Il y en a déjà qui l'ont composé. Phil ne vous a pas répondu vu qu'il était occupé sur l'interview, mais tu t'en occupes après. On va vous répondre durant le morceau de No Return, My Last Word, tiré de l'album The Curse Within, sorti chez Mighty Music demain, hein, dans toutes les bonnes boucheries. Sachez qu'il y a donc un album à gagner de No Return. On remercie le groupe de vous offrir ça. Et avant de passer un petit coup de téléphone et de nous envoyer un... Il y a une question. La question, c'est en quelle année s'est formé No Return. Mais avant ça, vous devez aller liker les deux photos qui se trouvent sur le site du Rock for Show, les deux photos qui viennent d'être publiées, où vous verrez les trois personnes qui se trouvent dans les studios du Rock for Show aujourd'hui. On vous laisse avec No Return, tiré de l'album The Curse Within. Le morceau s'appelle My Last Words. retour dans les studios après l'interview de No Return et après ce nouvel album de No Return, The Curse Within. Nous retournons avec un petit peu de glam rock puisqu'il s'agit de The Darkness qui a sorti un vinyle chez Cooking Vinyl justement, qui est sorti le 6 octobre dernier. Il est sorti du four. Tout cuit. The Darkness, qui seront en concert groupe anglais, bien entendu, de hard rock, qui est né en 2001, Odyssée 2. Alors, Tom ? L'espace. Ah, bien sûr. Ils seront donc en concert le 19, c'est-à-dire dimanche, à Paris, au Trabendo. Et on m'a dit, et je remercie Maxime de m'avoir spécifié, que Agnostic Front ne jouait pas donc au Petit Bain, mais jouait au Gibus Live, hein, République. Donc voilà, c'était le bah voilà, je me suis laissé abuser. Alors je sais pas pourquoi cette date a été annoncée au Petit Bain. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, je l'ai vu sur Sueur de Métal. Donc voilà, je cite mes sources hein, quand même. Mais tu fais de la pub en même temps. En même temps, bah oui, parce que nous sommes tous activistes quasiment non rémunérés hein, pour la plupart. En tout cas, nous ne le sommes si, pas. Toi, tu gagnes de l'argent, mais tu. Oui, moi je le gagne. Je gagne pas l'argent, mais c'est vrai, on a été viré d'une radio pour ça, je crois. Tu peux le citer. Mais quelle blague. On les salue, tiens. Ouais, on les salue bien bas. Donc, The Darkness, eux, ils seront donc en concert et ce sera au Trabendo. À moins que ce soit pas le Trabendo, Max, si tu peux regarder, mais normalement, oui. Alors, pour gagner l'album de No Return, comme on vous l'a dit, il faut aller liker les deux photos. Qui se trouve sur la page du Rock for Show, et il faut nous donner la date de naissance de No Return, le groupe No Return. Voilà. Mon cher Tom, quelque chose à dire? Des concerts annoncés? Des petites choses? Non, pas pour l'instant. Non. Est-ce que le Beaujolais est bon? Ça précise. Hein, il s'apprécie parce que. J'ai pas ramené quand même de la piquette. Hein. On a pris un petit Beaujolais primeur. Non, c'est la journée du Beaujolais nouveau, comme tous les ans, le troisième jeudi du mois de novembre. Mais là, de qualité. Mais nous ne buvions pas du Beaujolais nouveau, nous buvions du Beaujolais tout court. Du primeur. Enfin, du primeur. C'est du nouveau, mais un peu plus. Ouais, un peu plus. Pour les palais délicats, on va dire. Juste un peu. Et comme nous recevons une dame ce soir avec nous, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Et qui nous a accompagnés également hier soir. Qui nous accompagne de plus en plus souvent. Elle est régulièrement avec nous. Ouais, c'est bien. Ça fait du bien parce que la part de féminité de Tom commençait un peu à me. Ah, alors, et puis depuis que Jen est parti. C'est pas faux. On l'a vu samedi dernier. On n'est pas en mauvais terme pour ceux qui pourraient. On va en parler 5 minutes de ce concert qui a été quand même vraiment très bien. Rapture Farm, excellent groupe sur deux scènes. Cette soirée qui était excellente. Mmh. Moi, je suis arrivé après Rapture Farm. Bah, un excellent groupe de scène que je ne connaissais pas et voilà, c'était une belle découverte sur scène, parce que sur album c'était bien. MF Crew qui a vraiment explosé quand même, qui commence à grossir. Et d'ailleurs, on va vous dire qu'il y aura un concert au Bus Palladium, ça sera le 15 décembre, donc ne les ratez pas. On va faire la promo de toute façon tout au long des. Jusqu'à la date du concert et on fera gagner certainement des places. Donc écoutez bien le Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 si vous habitez en France. Sinon, bah, vous pourrez réécouter également cette émission en rediffusion. Alors sachez que tous les concours que l'on présente, si les dates de concert ne sont pas dépassées, restent valables jusqu'au lundi d'après l'émission, puisque l'émission est rediffusée sur Metal Invasion. Hein, qu'on salue d'ailleurs. Que l'on salue. Encore un partenaire. Si vous nous écoutez depuis Metal Invasion, on vous salue avec quelques jours de retard ou d'avance, tout dépend. Bah, nous d'avance, mais eux quand ils diffuseront, bah, ils auront été salués déjà. Ça sera pas mal. On va continuer dans la joie, la bonne humeur avec un concert pour lequel on vous offre des places, mais également des CD. Hein, ce soir, c'est vraiment Noël avant l'heure. On avait envie, comme ça, un mois et demi avant Noël, de vous faire des cadeaux. Le concert, c'est le concert de Bumblefoot qui jouera avec Conscience et avec Corrosive Elements. Mais non, Tom, voyons, un peu de sérieux. Thank You Scientist. Non, on reparlera de Corrosion Elements tout à l'heure. C'est sur autre chose. Ok. Donc, on va partir en musique avec Bumblefoot, tiré de leur tout dernier album. On a le temps de le passer en entier ou pas, alors, celui-là? Par rapport au reste de l'émission, ou est-ce qu'on passe la version Edith et Marcel? Enfin, la version qu'on a fait Edith, quoi. Ouais, ouais. Bon, allez, on passe la version édite. Oui, parce qu'on est toujours juste en temps. Donc d'accord. Alors, on va passer à la version édite tirée de l'album Little Brother Watching You. Et c'est Don't Know Who to Pray to Anyone. Qu'on a légèrement customisé. L'album est sorti en 2015. C'est une autoproduction de Monsieur Rontal Bumblefoot. Il contient 11 titres. Donc c'est le groupe Bumblefoot est composé de personnes, de Rontal qui joue tous les instruments, sauf la batterie. Voilà. Le groupe s'est formé en 1995 aux États-Unis, à New York exactement. Il sera en concert lundi, le 20, au Petit Bain, cette fois-ci, c'est sûr et certain. Avec quand Thank le vin you. Est tiré, il faut le voir. Tout à fait, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc au Petit Bain avec Thank You, Scientist et Conscience, des groupes que vous allez découvrir tout de suite après, puisque nous allons passer Conscience. Avec quel titre, mon cher Tom, puisque c'est toi qui a le titre, moi je ne l'ai pas sous les yeux, pour Conscience. Le titre de Conscience, bon, on l'a dit tout c'est à l'heure. C'est tiré de l'album de 2014, c'est ça? Oui. Hein. Et donc ils seront au Petit Bain avec Bumblefoot. Est-ce que tu as le titre du non, morceau? Non, je ne l'ai plus en tête. Tu l'as plus en tête. Bon, on le rappellera tout à l'heure. Si, c'est Room for One. Voilà. Room for One. Voilà. Et nous diffuserons un titre de Thank You, Scientist. Alors, j'ai pas dit quand même que Conscience est un groupe parisien avec un multi-instrumentiste, chanteur du nom de Mathieu qui fait partie de nos amis, dont on a la chance d'avoir en ami. Qu'on n'a pas vu hier d'ailleurs, tiens. Non, mais on l'a vu samedi dernier. Oui, hein oui, on l'a vu, c'est vrai que on l'a vu samedi dernier au concert donc de Old Friends From. De toute façon, c'est simple, on a les noms de ceux qu'on n'a pas vu hier. Et on a les noms de ceux qu'on n'a pas vu samedi. Ouais, ça va chauffer, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ceux qu'on n'a pas vu samedi, et ceux qu'on a vu samedi qu'on n'a pas vu hier, vous êtes mal. Ceux qu'on a vu non, mais hier, fatigué. Qu'on n'a pas vu samedi, vous êtes mal. Et ceux qu'on n'a pas vu tout court, vous êtes encore plus mal. On les raille de la liste de nos amis? Non, pas encore, on leur laisse une chance. Hein mais c'est la dernière. Hein. Ouais. Allez, Thank You Scientist. C'est tiré de l'album Stranger Heads Prevail, sorti en 2016 chez Evil Inc. Records. Le morceau s'appelle The Somnambulist. Je vous dis tout de suite, vous n'allez pas somnambuler lorsque vous allez entendre le titre. C'est vraiment excellent. Très très bon groupe, Thank You Scientist. C'est leur troisième album, il contient 11 titres. Le groupe s'est formé en 2009. Ils seront donc tous ces trois groupes que vous allez entendre le 20 à Paris, au Petit Bain. Nous avons des CD de Bumblefoot à vous faire gagner et des places de concert pour ce concert. Alors, la question, c'est de quelle origine est Rontal? Elle est simple, je vous l'ai dit en plus. Hein. De quelle origine est Rontal? Mais avant ça, n'oubliez pas d'aller mettre un petit mot sur les photos que nous vous avons diffusées ce soir dans la page Rock for Show. Musique, c'est parti, tout de suite avec Bumblefoot. Upon a time, a child grew up too fast, went running wild. Now we don't know who to pray to anymore. I once thought God was good and kind, then Mother Nature blew my mind and left my broken body on the floor. Now I don't know who to pray to anymore. But when the war gets real and I start to feel, the first thing I do is turn to you and then pull away till comes the day where I just can't live and learn to which all did was the plan. They say all's fair, but someone's keeping score. I've seen it all, I've seen the lies, false promises for compromise. Fought every battle, but still I lost the war. And now I don't know who to pray to anymore. Just can't live and learn to forget. Live. Live. Live. Oh yeah. De retour dans les studios, au doux son de Leibar. Leibar qui seront en concert très bientôt. Ce sera au Petit Bain. Non, je raconte des bêtises. C'est au Trabendo, je crois, Leibar. Oui, c'est ça, c'est au Trabendo. Et vous allez pouvoir nous appeler au 06 81 01 28 34. Enfin, quand je dis vous nous appeler, entendez bien nous envoyer un SMS, bien évidemment. Date de formation de Leibar, allez. Et puis le genre musical dans lequel ils officient, c'est simple, hein, avec ce que vous entendez, c'est donc de l'univers musical pour film, hein, c'est ça, hein. Mon cher Tom. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça doit être ça. Donc, date de formation de Leibar et puis le style musical qu'ils jouent. Sachez qu'ils seront en concert le 24 novembre à Paris au Trabendo. Voilà. Et le Rock for Show vous offre des places au 06 81 01 28 34. Allez, répète. 06 81 01. 28 34. Voilà, Leibar, c'est tiré de l'album Opus Dei. Hein. L'album contient 12 titres. Il est sorti en 1987. Le groupe nous vient de Slovénie et il s'est formé en. Bah, ça fait partie de la question, donc je vais vous le donner. Hein, c'est puis le genre musical est. Bah, je vous le donne pas non plus puisque ça fait partie de la question. Hein, 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler des places pour aller voir Leibar. Nous venons d'écouter Bumblefoot, suivi de Conscience. Et on vient de terminer avec Thank You Scientist. On vous rappelle qu'il y a des places à gagner au même numéro. De quelle nationalité est Ron Tal, hein, ça c'est simple. Et vous raflez vos places pour aller voir Bumblefoot au Petit Bain le 20, c'est-à-dire lundi. Tom va vous annoncer d'autres choses à gagner, étant donné que ça va être pendant la prochaine plage musicale que nous allons vous diffuser. Donc Tom, c'est à toi. C'est moi qui décide. Non, sérieusement, les choses à gagner, on a des places de concert pour du concert de Bubble Foot, bien sûr. De Conscience avec 5 You Scientist, voilà, pour les bacs. C'est bien ça, Phil. Leibar. Des t-shirts pour le festival de Musicwise Festival qu'on a reçu la semaine dernière et qui aura lieu le week-end prochain, dont on vous reparlera encore le 25, jeudi prochain. Exactement. Voilà. Et des vinyles de Silver Train, des CD de Silver Train, des CD de Bubble Foot, Steel Choir, Corrosive Element et de Carpathian Reddit et encore plein de trucs. Enfin voilà, on a du stock. Ouais, on a du stock à vous faire gagner ce soir. C'est Noël avant l'heure et on avait envie de vous faire plein de cadeaux. Tout ça parce qu'on est dans une espèce de semaine euphorique, hein, depuis deux semaines même, on va le dire. Et tout ça, généralement, c'est retiré des soirs de concert. Hein. Tout ce qui est t-shirt et tout ça. Faut essayer d'aller au concert. Et voilà, je vais vous l'annoncer. Pour Bumblefoot, on vous les envoie chez vous. De ce côté-là, il n'y a pas de souci au niveau des CD. Par contre, au niveau des places, bah, vous les retirez à l'entrée. Pour Agnostic Front, pour tout ça, pour Leibar, c'est pareil, ça sera à l'entrée. Maintenant, pour tout ce qui concerne le concert de Steel Square, Silver Train et Sir Daria, dont on va vous parler maintenant. Tous les cadeaux seront, si vous les gagnez, seront à retirer le soir du concert, c'est-à-dire le 18 novembre, et ce sera à Erani, au Covent Garden. Ça si tu veux un t-shirt d'Halloween, je pique le tien. Si tu veux un t-shirt d'Halloween, ils ne sont pas à gagner. Justement, si tu veux un t-shirt d'Halloween, je les ai tous gardés. Je les ai tous gardés, les t-shirts d'Halloween. Tous. Tellement le concert était bien. On va commencer avec Steel Square. Steel Square tiré du dernier album en date du groupe qui s'appelle Hard Rock and Roll, sorti en 2015 chez Brennus. Et le morceau que je vous propose de découvrir s'appelle Juste une fois. Mais vous pourrez l'écouter plusieurs fois si vous voulez, parce que vous aurez la possibilité de le réécouter en podcast, mon cher Tom, à partir de demain, c'est ça? C'est l'émission est diffusée lundi. Hein. Oui, en plus sur Metal Invasion. On les salue d'ailleurs. Oui, tout à fait. Salut à vous qui nous écoutez en live. On est lundi soir chez vous. Hard Rock and Roll de Steel Square, c'est le troisième album du groupe. Il contient 12 titres. C'est un groupe de hard rock qui s'est formé en 1981. Ils nous viennent de Paris, France. Ils seront en concert le 18 à Erani au Covent Garden avec Silver Train et Sir Daria. Vos places sont à gagner au 06 81 01 28 34. On n'a pas forcément forcément de questions. On n'a même pas de questions pour ce concert. Il faudra juste vous rendre sur place au concert pour rafler vos gains, c'est-à-dire t-shirts, CD, vinyle, voilà. Silver Train, qui suivra, s'est tiré de leur album Walls of Insanity, sorti en 2016, aussi chez Brennus. On salue notre ami Alain Ricard d'ailleurs, même si ce soir c'est Beaujolais et pas Ricard. Nous vous diffuserons... Pour Silver Train, nous vous diffuserons le morceau Rock or, or Burn. Hein, c'est tu rock ou alors tu brûles. Le groupe a sorti donc cet album en 2016. C'est un album qui contient 10 titres. Ils nous viennent d'où ? Ils nous viennent de Strasbourg, en France bien évidemment, quoique, on ne sait pas, hein, Strasbourg. C'est un groupe, c'est un quintet de hard rock qui s'est formé en 1976. Ça ne date pas. Un quatuor, Phil. Un quatuor, ouais, qui s'est formé en 1976. Ça, c'était pour voir si tu suivais. Et tu suis, c'est bien. Je suis vraiment ravi. Et si j'étais au lit, je serais ravi au lit. Parce que le jeudi, tout est permis. Elle est bonne, ça, non ? Non, tu la relèves pas ? Bon. On enchaînera ensuite avec Sir Daria, qui nous viennent aussi de l'Est de la France, puisqu'ils nous viennent de Mulhouse, bien évidemment. C'est tiré de leur album Voices, et le morceau que je vous propose de découvrir, mon cher Tom, s'appelle... Pornstar. Bien, je te l'ai laissé, hein. Pornstar, je te l'ai laissé. C'est gentil. C'est gentil de penser à moi. C'est également sorti chez Brennus en 2016. C'est un groupe de heavy metal, un quatuor exactement, formé en 2007. C'est leur deuxième album. Il contient 10 titres. Voilà, s'ils font du heavy metal, bien évidemment. Et vous pourrez les retrouver donc au Covent Garden aux côtés de Steel Square et Silver Train. Donc c'est maintenant au 06 81 01 28 34 que vous pouvez rafler CD, t-shirt, vinyle des trois groupes dont on vous a parlé à l'instant. Musique, c'est parti, Steel Square. We'll be right back. retour dans le studio, au doux son de la batterie de Monsieur Doug d'ADX. Le morceau s'appelle Exécution. Pourquoi on vous passe Exécution? Pourquoi on vous passe ADX? Tout simplement parce que on aime. Non, c'est pas que ça, même si c'est aussi vrai que l'on aime. C'est juste que le 25-11, le 25, donc ça sera samedi prochain, il y a le Music Hawaii Festival dont on vous a parlé la semaine dernière. Dont l'émission est en podcast. Non, t'as tout compris ? Non, l'émission est donc en podcast, puisqu'on comprend pas quand Tom parle. Ça, c'est, sur le c'est archive.org. Sur archive.org. Mais on va vous remettre tout ça. Sachez que le sur concert aura lieu, le festival aura lieu à Krone dans le 91. Il y aura entre autres ADX, Blazing War Machine, Full Turtle Baby. Alors ça, c'est plus dur à dire. Hein. Il y aura également Corrosive Element. Et c'est là, mon cher Tom, que l'on fait gagner les albums de Corrosive Element. Allez, SMS 06 80 01 28 34. Je me dis. Il y aura également Extrema. Il y aura également Volker et Lurking et Dystopie. Tout ça au Music Hawaii Festival à Krone dans, dans le 91. Alors si vous gagnez des choses ce soir, parce qu'il y a des t-shirts du festival à gagner, mais il y a également des CD de Corrosive Element et de l'autre groupe dont je ne me rappelle plus le nom, qui est tout en haut, Relict tout en haut, si tu peux me le donner. Oui, hein, je vais te le donner, très cher. Bah, Schnell alors, Schnell Relict, oui, Carpathian. Voilà, Carpathian Relict. Donc tout ça, c'est à gagner au 06 81 01 28 34, que vous allez retirer au Music Hawaii Festival à Krone, le 25. Nous allons terminer la programmation musicale de cette émission avec Kera, un groupe français qu'on avait reçu dans les studios du Rock for Show. Oui, c'était la première mouture en fait de Kera. Puisqu'ils avaient sorti un EP. Ces studios-là, parce que moi, je n'étais pas là. C'était, c'était les studios du Rock for Show. Si. C'était on était, je crois, dans la nouvelle radio, il me semble. En tout cas, le nouvel album s'appelle Hysteresis. Et le nouveau morceau que je vous propose de découvrir s'appelle Sanity Fails. C'est sorti le 11 novembre dernier. C'est une autoproduction relayée par Ellie Promotion. C'est leur premier album, donc, puisqu'avant c'était un EP. Il contient 9 titres. Ils nous viennent de Paris, France. C'est un quatuor de death, prog, metal. Et ils se sont formés en 2014. Nous enchaînons ensuite avec Disconnected. Disconnected, en deux mots. Le morceau que je vous propose de découvrir, c'est Unity, tiré de leur album, de leur EP, plutôt 5 titres, qui s'appelle Vision Division. C'est sorti chez Do It également le... Ah non, ça c'était le 11 octobre, donc il y a un peu plus d'un mois. C'est un power trio formé en 2015, on vous en avait déjà passé un titre. Moi j'adore personnellement ce EP. Et il y a des concerts gratuits, donc je ne vais pas vous faire gagner des places pour eux, pour aller voir Disconnected. Ce sera le 17-11, donc demain, à Écouen, au 18 mars. Non, c'est pas ça, c'est pas au 18 mars, c'est au La Grange à Dîmes, voilà. Et le 24 novembre, c'est là que ce sera au Covent Garden à Erani, le 24 novembre. Et ils joueront également à Moissy-Cramoyel, c'est là, c'est effectivement là, qu'ils joueront le 1er décembre au 18 mars à Moissy-Cramoyel. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, mon cher Tom. Oui, c'était rock. C'était fort, c'était chaud, c'était le rock for show. Et si vous êtes sage, si vous êtes sage, on vous quittera, on vous enverra dans les oreilles Blood Good. Non, on n'aura pas le temps. Non, c'est fini. Alors, ça sera la semaine prochaine. C'est pour ça que je t'ai dit, c'était rock, c'était fort. La semaine prochaine, on se fait soit une 100% zik, soit on verra ce qu'il y a à fêter. Allez, musique, bye bye, portez-vous bien, à la semaine prochaine, même lieu, même heure, 19h30, 21h30, sur Radio Biz, ça sera le Rock 4 encore plus chaud. Bye bye. Ciao. lights. The world will never forget my name. Can you feel the threat of fear and poison?